Audiomatique. L'ouverture de la transmission 155 d'Audiomatique se faisait sur la musique du projet Barrio Lindo, de qui nous écoutions la pièce Facon, réalisée en collaboration avec l'artiste John Montoya. Cette composition se trouve sur le nouvel album de Barrio Lindo intitulé Albura. Bienvenue à cette autre transmission d'Audiomatique animée par les électronistes qui ont pour vous en réserve des musiques à caractère électronique pour la prochaine heure. Si vous avez des commentaires, demandes spéciales, confidences, vous pouvez nous écrire par l'entremise de notre adresse audiomaticcfou@gmail.com ou par notre profil facebook.com/audiomaticcfou. En musique, nous enchaînons avec Nathalie Beridze, aussi connue en tant que TBA à Audiomatique. future I speak with fiery sweat. Beautiful coward, don't judge her now. She's not born yet. In two hands I hold snow with all the heat of my eyelids. From shoulders of stone, oh, rivers from the hose. Stare, the tears are pouring, whatever it may be. When the pain dissipates, dries out. In me, you I know are bigger than myself. But you can't, 'cause of someone else. Let's see my very two arms into your sleep. I am life. What demon in me you let loose into eternity? Into eternity. I will try to get away, 'cause I'm truly forceless against being allowed to wander across your face. Thank you. À Audiomatic, nous vous présentions la musique de l'artiste allemand Hendrik Weber, qui compose entre autres sous le pseudonyme de Penta du Prince, de qui nous entendions la chanson Dream Yourself Awake, remixée par Solomon sous le nom de V2 Remix. On retrouve ce remix sur l'album The Triad Remix Versions, qui comprend, vous l'aurez deviné, des versions remixées de chansons apparaissant sur l'album intitulé The Triad. Et en début de séquence, l'artiste georgienne Nathalie Beridze, ou si vous préférez TBA, nous offrait la pièce Forever Has No Shadow de son album Forgetfulness. La prochaine pièce que nous entendrons tire sa source de l'œuvre Sleep du compositeur Max Richter. Sleep est en fait une œuvre de musique classique qui s'étale sur 8h23, soit la durée approximative d'une nuit de sommeil normale. C'est d'ailleurs le concept derrière Sleep qui, dans son approche, est composé de sorte à induire un état de somnolence et ultimement transporte l'auditeur vers le sommeil. Toutefois, la pièce Path 5 que nous vous présentons aujourd'hui à Audiomatic, bien que s'inspirant de la version originale, s'inscrit davantage dans la version post-rock de la formation Mogwai qui nous en offre le remix que voici. Thank you. Audiomatique, c'est le projet Head Dreamer qui concluait cette séquence musicale de trois pièces avec la pièce Breath qui se trouve sur l'album Human Frequencies. Avant Head Dreamer, nous écoutions Stimulus Timber et sa nouvelle pièce Himalayas qui paraît sur l'album A Place We Never Been, sorti tout récemment sur l'étiquette numérique Cosmic Leaf Records. Et en début de séquence, c'était Path 5, morceau originalement composé par Max Richter dans le cadre de son œuvre Sleep, mais pour laquelle la formation Mogwai nous offrait une version remixée et pas si endormante que cela. On peut trouver cette pièce sur l'album de Max Richter intitulé Sleep Remixes. Audiomatique retrouve enfin sa voix musicale, cette fois avec un des membres du groupe américain de rock expérimental Animal Collective, et nous avons nommé Noah Lennox et son projet Panda Bear. Thank you. Audiomatic. Nous terminions ce segment musical avec le projet de l'artiste italien Giuseppe Falacara, qui se nomme Glanco. Nous écoutions la pièce Rituale de son deuxième album Osmosi. Et précédemment, il s'agissait de Panda Bear, le projet de Noah Lennox, aussi membre de Animal Collective, de qui nous entendions la chanson Afterburner, extraite de son album Tomboy, paru en 2011. La dernière pièce de la transmission 155 d'Audiomatic en sera une du Sun Ra Orchestra, l'orchestre du fameux pianiste Sun Ra, qui est devenu un pilier du style free jazz. Avec l'arrivée du synthétiseur Moog dans les années 60, ce n'était qu'une question de temps avant que Sun Ra expérimente, à travers une combinaison des sonorités synthétiques et du style free jazz, pour créer un hybride qu'on peut qualifier de space jazz. Nous allons donc conclure avec la pièce Rocket No. 9 dans une courte version qui est publiée sur l'album Space is the Place, paru en 1973. Nous devons encore une fois quitter les ondes radiophoniques pour pouvoir mieux les retrouver mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 156 d'Audiomatic. Si vous en ressentez le besoin, sachez que vous pouvez nous réentendre dans l'espace virtuel sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc de Sun Ra Orchestra et la pièce Rocket No. 9. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Rocket up the night, go for the planet. Move planet, Venus. Rocket up the night.